J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Bonjour tout le monde! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast, le 14e en public. Failli foirer. Il y a un running gag dans cette putain d'émission, j'ai failli le rater. Comme à l'accoutumée, parce que c'est pas parce qu'on est en public qu'il n'y a pas de l'accoutumée, il y a quatre invités qui vont me rejoindre autour de la table. Faites un tonnerre Ce podcast a quand même le défaut d'être enregistré en fin de week-end. Suivi d'un samedi soir un peu fou, je vais crever. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Patrick Beau. Patrick, faut que tu viennes en revanche, parce que... Patrick. Ah, il est là. Il m'a fait peur. Ça va, Patrick? Et ça va super bien, ouais. Je suis très content que tu sois là. Ben moi aussi. Ça me fait très plaisir. Tu n'es pas le seul invité. Nous sommes également accompagnés de Navo. Il y a également Monsieur Valentin Vincent. Bonjour. Et enfin, last but not least, si vous voyez un petit point rouge sur vous, vous inquiétez pas. Le seul, l'unique, le sniper, Adrien Méniel. J'ai l'impression d'animer la fureur d'Arthur, une référence un peu vieille vu le public. Merci les amis d'avoir accepté cette invitation au conclave du Palais des Papes. Merci Patrick de nous avoir permis de faire cette émission. Merci à toi. Merci beaucoup. Podcast en public, mais pourtant podcast comme d'habitude. Les amis, j'aimerais que vous partagiez avec nous ce que vous avez apprécié culturellement parlant ces derniers temps. Je vais commencer par Valentin Vincent, car il m'a dit hors antenne, j'ai rien. Exactement. Mais j'ai rien, j'ai vraiment rien. Je me rends compte que le dernier film que j'ai vu en entier, c'est Rampage avec The Rock. The Rock est un singe géant. Que je vous conseille pas du tout, du coup, vraiment, ça c'est je le conseille pas. Non, je me suis rappelé juste avant de venir, j'ai vu le pilote d'une série, donc ça se trouve, le reste est nul à chier, n'hésitez pas à me le dire. Mais le pilote est très bien. C'est gonflé quand même, Valentin. Oui, d'ailleurs, j'ai vu Groom. Non, j'allais parler de... donne pas ton avis, va. C'est sur le mensonge, de toute façon. Ouais, c'est bon. Non, j'ai vu Kiss Me First sur Netflix. Mais j'ai vu que le pilote. Et le pilote est... Il y a eu un trop bien au loin. Quelqu'un qui a fait, oh non, c'est de la merde. Non, c'est pas bien. Bah, dis-le moi que je regarde pas la suite, du coup. Non? Ok. Bah voilà, super conseil. Voilà, bon. Big up à tous les papes qui sont passés ici, évidemment. Ouais. N'oublions pas. Adrien Méniel. Alors moi, je vais faire une recommandation un petit peu corpo, un petit peu voilà. Mais mon dernier coup de cœur, c'est les 19 parce que j'étais membre du jury du concours vidéo Frames. Et le dernier truc que j'ai vraiment apprécié, c'est les 19 vidéos qu'on a visionnées. Et c'est pas pour faire le lèche-cul et tout, mais parce que c'était vraiment c'est un peu pour faire le lèche-cul. J'aimerais être invité l'an prochain. Non, mais vraiment, voilà, je pense que la liste, Patrick, tu le sauras bien, quoi, mais j'imagine la liste va être dispo quelque part de tous les... Ah, il faut parler bien sûr, sur le site de Frames. Sur le site de Frames, il y avait 19 finalistes et vraiment c'était très très bien, un super niveau, beaucoup de trucs très vraiment super. Donc allez voir ça, c'était ça ma petite pépite culturelle. Vous avez donné les prix on peut pas parler peut-être des trois finalistes à qui vous avez donné les prix. Cinq finalistes, pardon. Je suis pas bien arrivé, moi. J'avais pas prévu de t'es mis dans la merde, pardon. Moi, je m'en souviens. Vas-y, Valentin. Parce que vu qu'en plus t'as rien recommandé. J'ai rien. Prix de la fiction, c'était le Takum pour le sourire de Guénolé. Exactement. On va faire à deux comme ça, c'est un peu dit. Prix de la vulgarisation, c'était cinéma pour. Avec un S au début. Voilà, comme. Mais un C aussi. Un C comme science. Absolument. Et là, je me suis vraiment emporté en disant, malin. Non, c'est les autres prix, ouais, parce qu'il y a grand prix du jury. Je pense qu'il faudrait y aller le moment. Le prix du jury. C'est comme science. Quoi? Oui, j'allais y venir. C'était le grand prix. C'était le grand prix. On n'est pas à la foire, on a un calmos là-haut, hein. Ah bah, ou quoi? Et le prix du public, c'était Georges et Michael. Et il y avait les chroniques du désert rouge. Ouais. En prix du jury. D'accord. Spécial. On mettra de toute façon dans la description tous les lauréats, ouais, et puis avec les liens YouTube. Toutes les vidéos sont sur YouTube? Oui. Ok, d'accord. C'est nouveau ça d'ailleurs, Patrick, à Frames, ce côté festival avec des prix. C'était la première année. Ouais. Et ça a vachement bien marché, donc on est ravis. Au départ, on a reçu un peu plus de 200 vidéos qu'on a triées en fait pour faire une présélection. D'ailleurs, pas la mienne. Voilà, parce qu'on savait que tu viendrais, donc on voulait pas. voilà. Et donc on en a conservé 20 au final, donc 19. Parce qu'il y a une personne qui n'avait pas respecté les règles. Ah oui, sa vidéo était trop longue, c'est ça? Non, c'est Cyprien qui a envoyé une vidéo. Plus de 10 000 abonnés. Plus de 10 000 abonnés quand il a envoyé. Il n'y a pas le droit, il y a des règles, je suis désolé. Pour préciser le truc, moins de 10 000 abonnés parce que aujourd'hui on peut demander des aides au CNC si on a une chaîne de plus de 10 000 abonnés. Mais si on obtient un prix en festival, on peut également en demander. D'où l'idée de proposer à des gens avec des chaînes de moins de 10 000 abonnés de nous soumettre des vidéos. Et celles que vous avez eu à voir sont largement au niveau de très grosses chaînes YouTube. Il y a vraiment des petites pépites. Donc merci de ce beau jury que vous constituez. Alors ce qui vient de se passer est très sonore pour le podcast. Je sentais qu'on était dans un gag visuel pendant que j'étais en train de parler. En tout cas, merci pour cette belle délibération, Adrien. Voilà. Oui, voilà. Oh, bah lui fait ça, il a la main sur le cœur. Hein. Le cœur sur la main plutôt d'ailleurs. Il respire le gars. Je vais dormir 20 minutes moi. Hein, je vous laisse faire le podcast. Ma petite brunie en dentelle, à Navo. Qu'est-ce que tu as apprécié culturellement parlant récemment? Spider-Man sur PlayStation 4. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça a validé dans le public, les gens. Ah, oui. En fait, c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que t'as une manette Spider-Man, quoi. Le super-héros, donc. Le super-héros Spider-Man. Wow. C'est un peu comme si tu pouvais le contrôler comme un peu une marionnette, mais avec des boutons. D'accord. Mais ça, c'est fou quand même. C'est un peu nouveau. C'est dingo-dingue. Et cinéma, non? Culte télé, rien? Non. D'accord. Vous avez déjà recommandé Groom et les emmerdeurs? Dans à peu près 17 émissions. Voilà. Voilà. Mon bon Patrick. Eh bien, écoute, moi, c'est le livre Troisième Droite de François Descraques. Ah. On est vraiment. Excellent livre. Vous pouvez applaudir, bah oui, c'est. On n'a pas applaudi le mec qui faisait Spider-Man, mais on applaudit François. Donc c'est un livre qui a d'abord été écrit sur Twitter par François, donc sous la forme d'un feuilleton. Il a un peu réinventé le feuilleton, on peut le dire, sur Twitter. Et donc il en a fait un livre qui sort le 3 octobre aux éditions Flammarion. Voilà. Mais d'ailleurs, tu m'offres une transition plutôt pas mal. Tiens donc. Car aux éditions Flammarion. Non. Alors écoute, en parlant de Twitter, sort Nanofiction. C'est vraiment pas prêt. Alors là, voilà, franchement, ça m'a donné l'impression que c'était fait. Pourquoi vous réagissez? Alors que non, ça reste un podcast. Qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de Nanofiction, mon bon Patrick? Ah bah écoute, d'accord. Mais vraiment, c'était pas le but, hein. Oui, bien sûr. Évidemment. Quel est l'éditeur de celui-là? Ça semblait très artificiel. Non, mais le même. Ah oui, non, bah c'est pas pareil. Bien sûr. L'éditeur, c'est Flammarion, qui est le même que Troisième Droite. Voilà, mais c'est un hasard. D'ailleurs, vous signez tous les deux cet après-midi des dédicaces ensemble avec le troisième hasard total. Mais tu connais pas François. Non, mais c'est des coïncidences, ça de la vie, ça arrive tous les jours. Bien sûr, statistiquement, il y a moins de chances d'avoir une journée sans coïncidence. Donc, tu nous auras pas avec tes petites. Ça serait une sacrée coïncidence. Genre, c'est un peu insolite. Oui, bien sûr. Et ça sort le même jour. Donc, oui. Bah alors, Nanofiction. Bah je t'en supplie. Mais tu dirais qu'il est mieux ou moins bien que Troisième Droite? Je dirais que c'est très différent déjà. Mais mieux ou moins bien, c'est ça ma question. Ça n'a rien à voir. Mieux ou moins bien. Donc, Troisième Droite, c'est un feuilleton. Donc ça se lit sur la longueur. Et les Nanofictions, c'est des micro-nouvelles. Donc chaque tweet, à la base, c'est un compte Twitter aussi. Chaque tweet est une histoire, une micro-nouvelle. Donc ce livre est un recueil de ces micro-nouvelles. Il y en a 115 dans le livre. C'est très différent, du coup. Pardon ? C'est très différent. Oui, ça n'a rien à voir. Deux. Les deux. J'appuyais ton propos. De... Ah oui, non, vraiment, c'est très différent, bien sûr. Ah oui. Vu voilà. que tu fais l'article, si, fait comme dans Téléachat, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment très bien fait. C'est très différent. Ton... Ouais. Ah. Je suis ton assistant. Voilà. Et tout ça pour seulement 13 euros. Oh, c'est rien. 99. C'est ouais. un mois de YouTube Premium. C'est ce que j'allais dire. Ce hasard est dingue. Mais est-ce que le premier mois de ton livre est gratuit? Jusqu'à la 15e page, c'est un plaisir de lecture totalement gratuit. Attends, oui. Pour 13 euros, du coup, t'as accès à tout le catalogue Flammarion ou juste un livre? Parce que YouTube Premium, t'as beaucoup de... Enfin, après, je veux pas. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Pour comparer, après, c'est juste. Voilà. Mais non, pour 13 euros, ça veut dire que je peux lire les tweets que je pourrais regarder gratuitement sur Twitter. Exactement. Non, mais oui, mais c'est vrai, puisque le compte Twitter reste ouvert, est totalement gratuit. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir un recueil, un objet, avec des illustrations. Ah, oui. Ben, il y a un livre. Et sinon, si vous n'avez pas les moyens d'acheter ce livre, il y a un compte Twitter sur Twitter. Pas le crevard. Ouais. C'est la différence avec YouTube Premium aussi. Mais on l'a vu. Non, mais il y en a, en plus, c'est pas pour vous donner envie, mais il y en a vraiment des très chouettes. T'en as écrit combien? Là, il y en a 115. Dans 115. Le livre. Ouais. 115, c'est beaucoup. C'est vrai que sur la fin. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais, enfin, on l'a vu avec Valentin hier. Cet enfant est jaune et attend. Qui est jaune attend. Ah. Bah, moi, je trouve ça super. Ouais. Voilà. Donc, peut-être sur la fin. Sur la fin, t'étais un peu en manque d'inspiration. Je me suis dit qu'il y avait un potentiel de viralité sur celle-là. Parce que moi, je me souviens de celle-là aussi. Vent Golf GTI peu servi. C'est clairement une annonce Le Bon Coin, là. J'ai espoir qu'avec Flammarion, ça puisse partir. Voilà. Je le dis. Est-ce qu'on peut RT dans le livre si on aime les. Bah d'ailleurs, oui, il y a une nanofiction, c'est RT si t'aimes ça. Ouais. Pas... Fav si tu préfères autre chose. Mais il n'y a pas les boutons ni rien, on peut y pas. Il n'y a rien, tu fais ça, ça fait rien du tout. Waouh. Technologiquement, c'est vraiment nul. Ça, je tiens à prévenir que c'est du pur en papier d'arbre. C'est du livre total, vraiment aucune augmentation de réalité. Je dis, j'ai eu une bonne chiasse. Bon, bah, écoute, ça c'est pas. Bon, et eh ben écoutez, un bon livre que vous pouvez vous acheter. Les amis, il y avait un thème à la base, mais là j'ai envie d'avoir l'avis du public à la manière de qui veut gagner des millions. Est-ce que vous préférez, pardon, qu'on parle d'un thème, sachant que j'ai peu préparé, ou alors si vous avez des questions, on discute un petit peu ensemble et ça peut être plus sympa car plus vivant. En applaudissement. Question. Pas du tout orienté déjà. Est-ce que vous voulez A, sachant que ou alors B qui est super. Vous choisissez. Hein. Non, mais voilà, pareil, je veux pas influencer qui que ce soit. En applaudissement. Le thème. Oui, bah ça va, j'ai compris. Les questions. Ah, c'est moins. Il y a moins. Il y a un peu moins. Il y a moins. Ou alors les gens qui posent des questions ont des toutes petites mains. C'est vrai que j'avais pas pensé. Bah ouais. Très bien. Et eh ben écoutez, en fait, moi, le thème que je voulais aborder avec vous, c'était mensonge et honnêteté. Mmh. Mensonge et honnêteté. Parce qu'en fait, Bruno, par exemple. Oui. Tu es quelqu'un. T'as sifflé sur un. Je sais pas. Ouais. J'ai trouvé ça bien amené, mais j'ai tout gâché. Voilà. Je me suis dit, pardon. Mais moi, Bruno, j'ai bien aimé quand t'as tout gâché. Ah. Bruno, tu es un des gars que je connais qui est le plus honnête, à peu près. C'est vrai. Je suis aussi honnête que ta casquette est pas ouf, quoi. Mais non, je l'adore. Oh, t'es gentil. Ça, c'est un mensonge, par contre. C'est... Disons que j'ai pas d'avis sur cette casquette. Moi, je voulais savoir si des fois, l'honnêteté dont tu fais preuve, et d'ailleurs, à toute épreuve, tu te l'es déjà pris en pleine gueule. Il y a eu un là-bas. Non, ouais, quelqu'un a haï. Non, ta gueule. Est-ce que des fois, ça t'a foutu un peu dans la merde dans ta vie de tous les jours ou très peu? Pas. Alors, je trouve pas d'exemple, mais pas vraiment, parce qu'en gros, ça te crée une autre condition qui est que tu dois très bien te comporter si tu veux être honnête. Parce qu'en gros, tu trompes ta meuf et après tu rentres le soir, tu fais, oh chérie, tu sais que je suis honnête, je te comprends. J'ai baisé une meuf tout à l'heure, ça marche pas ta vie, tu vois. Et donc, du coup, le fait de savoir que tu vas dire la vérité fait que ça t'oblige un peu à avoir un comportement plus sain et bienveillant. Parce que sinon, ou d'éviter les situations qui vont vraiment te gêner. Par exemple, je vais à pas beaucoup d'avant-premières. Quand vous m'avez vu à l'avant-première de Groom et les emmerdeurs. Ouais, on n'a pas mangé ensemble après. Non, mais c'était un beau signe de confiance. Après, t'es parti très vite après quand même. Hein. Non. T'es parti très vite. Non, c'est une blague. Bon, je suis resté. Ouais, il propose des gags. Hein. On peut être honnête et comprendre les blagues aussi, Bruno. Waouh. C'est ça l'ambiance? Non, moi je peux switcher. Moi je me suis dit, il y a Patrick Beau, il y a Valentin. Moi j'ai voté, cool, moi, j'avais voté pour les questions. Hein. Mais tu le connais. Moi je peux monter. Hein. Non. Je me mets sur l'autre toit, c'est sniper contre sniper, mon gars. Ah. Ça peut être intéressant. Moi, j'avais voté pour les questions, c'est pour ça que je suis un peu bon. Adrien. Mais c'est des questions en même temps qu'il pose Flaubert. C'est vrai. Moi, j'essaie de vous lancer. Mais après, on fera quand même des questions. Hein. Adrien, toi, est-ce Donc, ça servait à rien, alors. Je te dis merde. Je suis très honnête. Ça se déroule. Je n'avais pas préparé et je misais beaucoup sur les questions. Mon public, bah oui, pourquoi t'as fait voter plus trahi. Après YouTube Premium, c'est ça. Super. Adrien, est-ce que toi, dans la vie, tu as... Le sourire qui dit, bah non. Non, je sais pas. C'est juste que moi, je m'attendais pas à ce qu'on fasse le thème. Ah ouais, bah vraiment, on a tout sur toi. T'es le sniper, t'es réactif, donc vas-y. Ouais, bah oui. Dis quelque chose de drôle. Vas-y, c'est parti, drôle. Vas-y. Comment? Dis un truc drôle. Je suis aussi surpris que toi, Adrien. Je viens de le faire. Adrien, est-ce que toi, tu essayes d'être honnête le plus possible ou est-ce que quand même, des fois, tu mitonnes comme un sale bâtard? Pareil, j'oriente pas du tout la question. Ces questions, elles sont très orientées. Ouais. Non, bah, je pense qu'il y a des mensonges de confort, quoi. On ne l'admet pas forcément, mais c'est pour ça que la raison pour laquelle tu ne vas pas aux avant-premières, mais parfois tu te retrouves dans une situation où on dit alors qu'est-ce que t'en as pensé, et tu fais un peu comme Valentin quand il m'a donné son avis sur Groom. Il a dit non. Déjà le quand on commence par non, déjà c'est que même si c'est positif après, c'est que tout est faux. Il a non, dit non mais c'est bien. Il a dit je sais non, pas ce que c'est. Franchement c'est bien. Il a dit j'en ai jamais entendu parler. Faudrait que je regarde. Je crois que et ça... non voilà oui un léger. On essaye de pas. Je dis pas j'ai adoré quand j'ai pas aimé. Je dis j'essaie de trouver des voilà je trouve un angle positif. Je l'enrobe d'un pointe de mensonge. Mais c'est pas vraiment un mensonge. C'est quoi le mensonge? Je l'enrobe d'une pointe de mensonge pour que ça, enfin, voilà, quoi. Moi, j'ai une petite anecdote. On peut faire les anecdotes dans cette émission? Je t'en supplie! Attends, on va voter. J'ai rien préparé, bordel! Voilà. On va voter quand même pour, faire des anecdotes. Mon truc par rapport aux avant-premières, c'est qu'un jour, je suis allé à l'avant-première et je connaissais le producteur qui m'avait parlé avant d'un truc ils arrivaient pas à synchroniser une musique. Ils essayaient d'obtenir une musique et le chanteur voulait pas, l'éditeur voulait pas. Et à la fin du film qui était nul, quand il est venu, il m'a dit « qu'est-ce que t'en as pensé ?» J'ai répondu « alors t'as réussi à avoir la musique ?» Et dans ses yeux, j'ai vu qu'il s'est dit « ok ». Ouais. Mais tu vois, j'ai pas menti du coup. Ouais. J'ai juste pas répondu. C'est vrai. Mais d'ailleurs, Bruno, tu m'avais raconté une anecdote d'un gars qui voulait avoir un peu ton avis de temps en temps, un humoriste que t'étais allé voir, et quand il était, et c'était pas Adrien, il était sorti, il avait genre, il voulait pas trop avoir ton avis du coup, parce qu'il avait un peu peur de ton honnêteté. Ah oui, c'est vrai. Et ce truc-là, je trouve ça un peu fou de se dire, bon en fait, non. Non mais ça m'arrive souvent, ça m'est même arrivé avec des gens à cette table qui me disent ce jour-là je ne t'ai pas demandé ton opinion car je ne souhaitais pas l'avoir. Fallait dire ça, c'est lui le gars de la table. Et il est vrai que ce jour-là j'ai pensé à t'appeler mais il s'est avéré que je me sentais pas prêt à entendre la vérité. Donc après il y a peut-être aussi ça qui aide, mais Adrien t'es quand même plus dans ma tête, tu faisais partie des gars qui disent trop de trucs justement qui sont trop honnêtes. Oh non. Genre dans un pool d'auteurs, bon, il y a une blague problématique, tu le dis, tu dis pas. Ah non, mais c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Et pour le coup, le nom de Valentin chez Adrien, c'est avant de donner son avis. Non, mais j'ai pas envie de blesser les gens, donc j'évite de leur dire quand ils ont fait un truc, enfin quand ils ont l'œuvre de leur vie. Si je leur dis que j'ai pas aimé, ça va. J'essaye d'éviter de leur. Leur non, ça. T'inquiète. Ton avis est pas si important. Non. Mais après, quand c'est en salle d'auteur et il y a une blague que je trouve limite, ma volonté de ne pas blesser la personne est inférieure à ma volonté de ne pas blesser le reste. Fais pas la phrase, c'est trop long. On a compris. Okay. Tu mets une salle. On enchaîne. Non, Bruno, t'as arrêté les podcasts. Qu'est-ce que tu penses de Valentin, connard ou pas connard? Ah, c'est pas ça. Ouais. T'as arrêté le podcast il y a 4 ans. Tu essaies de parasiter cette émission. Tu arrêtes maintenant. Tu vas marcher et tu vas parler en même temps. Mais ici, tu respectes un petit peu, ok, l'ambiance. D'accord. Patrick Beau. Est-ce que tu m'as, alors, je vais te demander ton expérience personnelle, mais un petit peu avant l'émission, je t'avais demandé si tu avais des histoires dans ta besace. Ouais. À l'histoire. Ah, t'as complètement pas bossé. Si. mais vas-y, pendant que tu parles, je réfléchis. Franchement, moi, je le prendrais mal. Si tu dis, Patrick Beau, as-tu quelque chose à raconter? Et qui dit non. Je n'ai aucune information insolite. Non, mais je t'avais demandé si tu connaissais des histoires, justement, un peu extraordinaires dans ta besace. Oui. À l'histoire. Sur un mensonge qui aurait pris des proportions un peu dingues, ou non, d'ailleurs. Ou alors, est-ce que toutes tes histoires sont fausses depuis le début? Oui. La Bible. Le 11, non. Allez. J'avais fait une vidéo entière sur le sujet, en fait, qui s'appelle Fake. Et d'ailleurs, Bruno était présent, Adrien aussi. Ah oui. dedans. Vous avez fait une courte apparition. Il parle sur nos images. Bien sûr, oui. Voilà. Donc cette vidéo s'appelait Fake et elle était consacrée au grand canular et prank. Parmi, ouais, non, mais là vraiment des pranks avec des proportions assez colossales. Et donc il y avait notamment l'histoire de ce géant qui tombe sur un géant pétrifié. Et donc tout le village se pointe. Et alors là, c'est la stupéfaction totale. Et le propriétaire finit par faire payer les visites. Il monte un chapiteau, donc c'est un corps de 3 mètres il bande de long. Non, okay, pas spécialement. Et donc c'était ça, monter le chapiteau, c'était ça. Ouais, non. C'est un corps de 3 mètres comme ça. Bonne queue de géant. En 3 mètres. 3 mètres. Un humain de 3 mètres. Exactement. Donc un corps. C'est très grand. Comme ça. Et donc, un panier de basket, c'est 3,05. Donc le mec est vraiment. Bah, il jouerait très bien. C'est presque handicapant aussi, les joueurs de basket. Du coup, ouais, ouais. Ça prend une ampleur. C'est le géant de Cardiff, précisément. Si vous voulez chercher sur Google des photos. Donc ça prend une ampleur nationale. Et puis, ça arrive aux oreilles de Barnum. Donc, l'homme de spectacle qui a bien créé sûr. Le cirque Barnum et qui était amateur de phénomènes et de curiosités. Loïc Barnum. Et donc, on l'appelle l'ancien toit. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, il veut acquérir ce géant. Et puis, il y a un groupe de personnalités du show business qui décide de l'acheter avant lui. Et donc, Barnum, ça l'énerve. Donc, du coup, il se fait fabriquer un faux géant. Est-ce qu'il en fait tout un cirque? C'est une question que je pose. Exactement, c'est ce qu'il fait. Et il explique dans la presse et à qui veut l'entendre que l'autre géant est un faux. Et puis tout ça. Attends, j'ai pas suivi. Il a fabriqué un faux géant et il a dit comme l'autre Barnum. Géant c'est un faux. En fait, comme Barnum. C'est ça? Exactement. Pas con le gars. Non mais oui, mais c'est un escroc en même temps. Mais comme Barnum. Waouh. Dans tes dents, Barnum. Désolé. Il a pas dormi, Barnum. Il y a eu tout un film là-dessus qui est sorti il y a pas très longtemps d'ailleurs qui montre à quel point. C'est Rampage un avec The Rock. Ils ont remplacé le géant par un singe. Mais non, c'est toi qui aime pas qu'on te coupe. Mais c'est cool, c'est une bonne ambiance. Écoute, t'as ta chaîne pour. Non, les gens suivent et ils sont d'une intelligence folle. Et donc finalement. Le créateur du premier géant a fini par se manifester parce que tout ça est allé en justice. C'est-à-dire que les acquéreurs du géant original ont voulu attaquer Barnum qui prétendait que leur géant était un faux. Pour diffamation. On avait fait un faux, voilà. Donc ils se retrouvent au tribunal. Et puis là, il y a un gars, créateur du premier géant. Ah, tu nous as glissé en scred qu'il l'avait créé, quoi. C'était un faux géant. Bah oui. Moi, je crois que c'était un vrai. Mais il débarque et il explique que tout est faux depuis le début. Il n'y a pas de vrai géant, que c'est lui qui a fabriqué ce géant avec son cousin. Et cousin qui s'appelait voilà, qui était propriétaire, applaudissez un petit peu. Vous voyez ce que ça fait un floodcast sans les bips, profitez-en. Cousin qui était propriétaire du champ dans lequel on a trouvé le géant, et donc ils avaient monté ce canular, principalement pour troller, entre guillemets, la communauté catholique, qui croyait en l'existence des géants, dont on peut entendre parler dans l'Ancien Testament. Et donc les curés qui s'étaient pointés, qui avaient vu ces géants, considéraient que c'était une preuve des géants bibliques. Donc voilà, ils ont expliqué que... Sauf qu'ils les ont pas trollés, ils les ont confortés. Ben, c'était justement pour se foutre de leur gueule plus tard, quoi, en leur montrant que une c'était... Une fois que Barnum les poursuit. C'était faux. Menteur un jour, menteur toujours. Tôt ou tard. La raison, c'était pour rigoler. Non, c'était pour faire de l'argent, mon gars. C'est vrai, parce que c'était pour rigoler, mais enfin, c'était quand même payant. Tôt ou tard, je pense qu'il en aurait parlé. Et donc voilà, donc la vérité dévoilée. Et quelques mois plus tard, dans un autre état des États-Unis, on a déterré un autre géant, et c'était le même mec qui était à l'origine de ce géant-là aussi. Et aujourd'hui, les deux sont conservés dans des musées aux États-Unis. Voilà, le géant de Cardiff. Et l'autre géant que le type, qui avait de la suite dans les idées, a refait des mois après pour faire des visites aussi. Oui, il faut préciser que comme il y avait des visites payantes, ça leur a fait... Ah voilà, donc c'est l'oseille, quoi. C'était pas pour troller, c'était pour l'argent. Ouais. Ça faisait partie du truc, parce qu'il avait une dent contre les curés, en gros, et il voulait se foutre de leur gueule. Est-ce qu'on n'est pas dans le meilleur endroit pour en parler, déjà? Oui. Ah, ben, c'est ça que j'ai choisi, celle-là. Tu vas retirer en enfer, mon gars. Pardon, l'autre géant... les gens sont rentrés dans le panneau parce qu'il y a quand même un gars qui fait un faux géant. Ah, il fait, c'était un faux. Là, il en découvre un autre. Ouais. Les gens font, non, mais celui-là, dans il est un autre état. Celui-là, il est vrai. C'est au bout du 34e géant. Faut se replacer dans le contexte. C'était un siècle dans la campagne américaine et donc les gens n'avaient pas forcément le recul, l'éducation. Etc. Le web. Ils n'avaient pas le web. Le web déjà. Là, l'info aurait circulé, mais là, à l'époque, non. Il n'y avait pas Oxbuster, par exemple. Ouais. Et donc ils se sont fait avoir. Et il y a beaucoup d'autres histoires de ce type, mais je ne vais pas non plus. Oui, mais est-ce qu'il y a le truc aussi? Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est inspiré, parce que alors je vais parler d'un épisode des Simpsons, celui où il y a le squelette de l'ange. Ça, c'était un truc qui me semblait était adapté. Est-ce que je viens de t'apprendre une histoire? Non, insolite. Je vois, bien sûr, tu les connais toutes, mais c'est sans doute inspiré par cette histoire. Ouais. Oui, voilà, ce genre de truc. Ouais. C'était, ils avaient découvert potentiellement un squelette d'ange sous la terre, et en fait, pareil, c'était du gros mytho. Voilà. C'était un gars qui était mort avec du poulet sur lui. J'avais aussi une histoire d'une femme, une française, qui prétendait accoucher de lapin. Et non mais c'est sérieux. Non, ça par contre, moi j'ai grandi en Bourgogne. Ouais, c'est pas quel rythme. Elle a dit c'est accoucher, c'est juste. C'est la mère de ma copine. Donc elle disait accoucher de lapin. Et à puis, quel rythme on a réalisé. Et comme un lapin ou comme un humain du coup. Ouais. C'était au 17e ou au 18e siècle ce truc-là. Donc cette femme prétendait accoucher de lapin et puis on a découvert après analyse qu'elle s'était vraiment mis des lapins dans le vagin. Dans un but. C'est pas ma faute. Mais oui, des bébés lapins du coup. Ouais. Bébés, ouais. On peut saluer sa détermination quand même. Elle faisait payer l'entrée aussi. Et elle a pas eu des maladies. Après, j'y connais pas grand chose. La myxomatose. Par contre, je ne sais plus pourquoi elle l'a fait ça. Bon. Je sais qu'elle l'a fait. Elle non voilà. plus, je crois. À partir du troisième lapin, elle a fait. Là, je sais plus. L'habitude. Bon. Quand on peut en mettre trois, on peut en mettre quatre. Hein, ouais. Allez, joyeuse Pâques. Peut-être être traînée avec un magicien. Il y a eu un film dessus, d'ailleurs. Rampage. Avec The Rock. Non mais peut-être qu'elle faisait ses courses, elle avait pas de cabas, elle s'est fait griller, elle a dit non mais j'accouche, c'est pas du tout pour transporter des lapins dans... Et du coup elle a été obligée de garder le mensonge. Super. C'est peut-être ça, on sait jamais. Ou peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'ils allaient faire des expériences scientifiques sur ses enfants lapins et elle a fait croire qu'elle avait tout truqué alors qu'elle avait vraiment accouché de lapin. Ah. Oh. Mais tu accouches littéralement de pitch de films brillants à chaque instant. Oh là là. Putain, ça ressemble un peu aux nanofictions, j'ai envie de dire. Oh, on pourrait appeler ça les navofictions. Oh. Il y a un petit côté grosse tête que j'aime bien. Les applaudissements. Je dois l'avouer. Hein. Et puis alors, attends la fin de l'émission. Très bien. Est-ce que déjà des gens ont des petites anecdotes d'un moment où il a fallu mentir? Et vous avez pas été très bon, à part évidemment Valentin quand il a fallu parler de groom à Adrien. Mais alors, ouais, bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai, ouais, vous m'avez piégé un peu. J'ai dit non. Moi si, bon, alors, je peux commencer si vous voulez, mais vas-y, en gros, oui, parce que c'était à Golden Moustache quand je travaillais encore à Golden Moustache. J'arrive un matin et la première réunion est à 11h et moi j'y vais avant parce que ma vie sociale à l'époque n'était pas. Elle était nulle quoi. Et donc j'arrive et il y a McFly du duo McFly et Carlito. Pas le personnage de... J'ai précisé bêtement un truc vraiment ouais. très évident. Et il y avait donc McFly, et McFly propose un gag de la vie quotidienne. Il a envie de chier, et il décide de faire dans une poubelle de réunion. Et c'est bien, en vrai. C'est très marrant à voir. Oui, parce qu'il l'a fait, il faut dire. Il l'a fait. Il l'a pas juste proposé, il l'a fait. Quoi. Ah oui, il l'a fait, oui. Ouais, sinon c'est vraiment décevant. Il l'a pas fait. D'ailleurs, ça n'existe pas le stade de la proposition. Avec lui. C'est il le fait directement. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il m'a pas dit. Eh, regarde, je vais chier dans une poubelle. Il a baissé son froc et chié dans une poubelle. Donc il fait ça. Moi, bon, là, dit comme ça, c'est peut-être pas très drôle, mais à voir, c'est un peu marrant. Donc il chie dans cette poubelle. Et en fait, c'est très particulier. C'est comme, c'est un peu comme, tu sais, quand des fois tu te regardes un porno et après tu te sens un peu sale. Là, quand il le fait, tu rigoles sur le moment. Et une fois que c'est fait, tu te branles. Non. Mais je sais pas, t'as dit comme dans un porno. Non, okay. Mais c'est une des pires choses en termes d'émotion de. Oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer, vraiment. Bah c'est surtout après quand le lapin est sorti que tu t'es dit waouh. Il est très fort. Il est fort. Il nous fait un running gag dans le futur. Donc il y a cette merde gisante dans une poubelle. En plus, bon, McFly, vous ne le connaissez pas, mais disons que c'est, enfin, en tout cas, il nous fait des belles merdes, hein, autant le dire. Oui, il faut bien le connaître pour savoir ça. Quoi. Avec, tu parles pas de ses vidéos. Non. Je parle de ce qui sort de son trou de balle. Et donc il y a la merde gisante et il la jette, bref et tout. Et en fait, ce qu'on ne savait pas. Non, il la jette. Oui, il la jette dans une poubelle. C'est un peu. Ouais. Bah en fait, il l'a prise et il l'a déjà jetée, il l'a mis dans une poubelle. Non, il est descendu dans la rue avec 5 étages dans sa merde, dans son sac poubelle, ouais. Et il l'a jeté dans un truc écolo. voilà. Ouais. Dans la poubelle écolo, la poubelle merde. Le mec est ok pour chier dans une poubelle, mais pas n'importe. Après, par contre, faut la déplacer dans une autre poubelle. Non, mais parce qu'après, sinon, ça pue la merde dans une salle de réunion en fait. Si c'était pas le but, pourquoi il chie dans une poubelle? Parce que visuellement, déjà pour qu'on raconte une superbe anecdote à nos amis. Et il est au courant d'ailleurs qu'on raconte. Il l'a dit dans une vidéo cette partie-là, donc je me sens plutôt libre. Il a dit le mail d'après, hein? Le mail, il l'a raconté qu'on a reçu. Attends, j'imagine. Non mais justement, j'y viens. Ah, okay. Là, j'y viens. Il n'y a pas de mensonge, je pense. Non, c'est très franc. Là. Y a pas de mensonge. C'est là, le mec s'est perdu. Je voulais juste parler de ce truc de chier dans une poubelle. Non, le mensonge arrive après. Donc en fait, des gens se rendre compte qu'il a fait ça, et puis bon, bah, c'est le genre de, d'infos qui circulent très vite au sein d'une entreprise. Tu sais qu'il a chié dans une poubelle, ouais, il a chié dans une poubelle. Moi, j'ai une question, est-ce qu'il s'est torché? Parce que c'est super dégueulasse, quoi. Il a chié, il a remis son frère. Non, je pense qu'il était torché dans les toilettes, mais ça, c'est, je te dis, comme je t'ai dit, une fois que c'était fait, je suis parti loin de me prendre une douche. Ça, j'étais pas bien, quoi. J'étais, ouais. C'était vraiment une sale histoire. Donc, le temps passe. Et là, le patron de Golden Moustache vient me voir, il fait, Florent, tu peux dans mon bureau? Je fais, ok. Je fais, bah, j'arrive, je finis un truc, là, je m'étais remis à bosser. Et McFly m'envoie un texto, il m'a dit, ne dis surtout pas à Adrien Labastia, donc le patron de la moustache, que j'ai chié dans une poubelle. Ça ne le fait pas rire du tout. Donc je fais ok. Donc je vais dans le bureau du patron. Je fais hey, ça va Adrien? Il fait ouais, j'aimerais te parler d'un truc. Apparemment, McFly aurait chié dans une poubelle. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et là, je l'ai très mal joué, puisque j'ai fait... Je trouve que t'as bien fait son intonation. Ouais, pour le connaître un petit plus. Et donc, j'étais là, et donc, il me dit, est-ce que c'est vrai qu'il a chié dans une poubelle? Et je fais, pas à ma connaissance. Pas ici, en quand, tout cas. Quand? Tu parles de quand? Et en fait, bon, très vite, du coup, je l'ai grillé, le pauvre, puisque normalement, tu fais, quoi? Et moi, j'ai vraiment fait comme si c'était un truc normal qu'il avait fait. Je fais, écoute, non. Pas le lait, comme ça, non? Un compost, une ouais. Poubelle, je crois pas. Ouais, il a pissé contre un mur, mais chier dans une poubelle. Et voilà, mais au final, il s'est rien passé. Sauf, effectivement, Valentin, tu peux le dire, on a reçu un mail. Je sais plus exactement la phrase, mais c'était vraiment, tu t'en souviens? Non. Vraiment, on a tous reçu un mail d'Adrien Labastir qui précisait que c'était pas ouf de chier dans des poubelles. mais sans aucune méchanceté, genre vraiment les gars, ouais, un titre informatif, il faudrait éviter de chier dans des poubelles. Ouais. On rigole, c'est la colo, mais enfin là, je pense qu'il y a un step de franchi. Cordialement, bisous. Ouais. Donc voilà, c'était un truc comme ça. Non, donc vous pas d'anecdote où du coup il a fallu mentir comme ça, trouver un truc et que dalle. Là tout de suite non ça. Ouais, alors si, mais moi ça va être bizarre parce que je dis que je mens pas, mais en fait si je mens pour arranger autrui. Tu vois, typiquement je mens pas, je déteste mentir, mais je mens tout à l'heure quand t'as dit que je mens très bien. Si on fait un loup-garou, tu dis pas oh lui c'est un loup, c'est pas. Oui. Et donc par exemple pour McFly il serait sorti safe. Ah oui, toi t'aurais fait quoi? Mais comment? Mais n'importe quoi, c'est dégueulasse. Il aurait jamais fait de choses pareilles. Tu vois le poisson, tu fais mais pourquoi tu m'appelles pour ça en plus? Qu'est-ce que c'est? Hey. Ah oui, en plus il aurait embrouillé en fait. Bah, ouais, parce que c'est le meilleur truc quand tu mens, tu vois. Ouais. Voilà. C'est moi qui chie dans une poubelle. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi? Je chie devant toi. Je chie devant toi. Je chie dans une poubelle, mon gars. Amène-moi une poubelle. Pourquoi tu me parles de ça? Tu me salis les oreilles avec cette histoire-là. Donc. Attends, parce que j'essaie de la reconstituer, parce que je vais mal la faire. Mais genre, il m'arrive de spoiler, de m'en rendre compte aussitôt, et de noyer la personne sous des informations. Dans un lac. Tu vois. Wow. C'est-à-dire que je me souviens qu'il y a très longtemps, mon petit frère, sans faire exprès, je lui ai balancé la fin de Sixième Sens. D'accord. Qu'on vous dira pas ici, vous n'inquiétez pas. Et il m'a dit, mais je l'ai pas vu. Et après, je dis, ah merde. Putain, bah, voilà, je t'ai balancé que, et j'ai fait une série de 1 million de trucs. Tu vois, je lui ai saturé son système limbique. Le lendemain, il a regardé le film, il était cool parce qu'il a, je lui ai dit tellement de trucs. Ah merde, attends, qu'est-ce que t'as compris dans ce que je t'ai spoilé? Tu comprends que en fait, ces deux bras à la base, ils étaient cassés. Et je fais tellement de trucs qu'en fait, oui, le en fait, c'est un robot. Noies, oui, d'accord. Ouais, voilà. T'as noyé le truc. En fait, t'as tellement menti autour. Donc de j'ai ta... pas mal menti, j'ai bien menti. Oui. Le final, c'est dire que t'étais chambé, c'est ça? Je suis génial. Et c'est un épisode de The Office aussi. Où Michael ment et du coup il balance plein d'autres mensonges pour noyer le premier mensonge qui était... Enfin non, il ment pas, il dit la vérité d'ailleurs. Et du coup après il balance des mensonges pour qu'on croit que c'est un menteur, etc. Ouais, petite anecdote, vu que tu n'es pas de... Non mais les gens peuvent regarder The Office, c'est une très bonne série. Voilà. Très bonne série. Comme tu as dit Michael, valisette. C'est donc The Office oui. US. Ma petite valisette, oui. Est-ce qu'il y a un mensonge comme ça que tu as fait un jour, que tu regrettes, ou un moment d'honnêteté peut-être un peu trop franc? Outre évidemment, je vais pas le rappeler mais... Non, trop franc, une fois par mail... mais c'était pas à mentir, mais c'est arranger certaines formes sur. Bah, dis tout. C'est aujourd'hui de toute façon on est au conclave, il fallait des papes. Non, une fois par. Napsou, c'est péché. Oui. On enlève les mensonges. Mais c'est dans le cadre du travail. Je devais faire des retours sur un texte Et j'avais pas vu que l'auteur était en copie, et j'ai répondu un peu franchement ce que je pensais, mais à l'auteur j'aurais mis des formes. Oui, t'as dit qu'il devrait crever, t'as dit. Donc, non, j'ai dit, en gros, j'ai dit, ben, il faut tout refaire, y a rien qui marche. En gros, là. Et après, je fais, non, alors en fait, on va, non, c'est surtout la chute, machin, enfin bref. Mais est-ce qu'on peut dire que ça n'a pas marché? Non, j'étais très gêné parce que la réponse de l'auteur a été d'une gentillesse incroyable et qui a dit, ah d'accord, pardon, je vais refaire. Et je me suis senti vraiment comme le plus gros des connards à ce moment-là. Ce que je suis. Oui, voilà, t'as pas besoin de ça. Non, j'ai pas besoin d'un mail. Mais bon, là, je l'ai su. Et mon bon Patrick, à titre personnel, tes rapports entre mensonge et honnêteté, où est-ce que tu te situes? C'est bien de plus en plus large mes questions. Écoute, j'essaie d'être le plus honnête possible, mais j'ai pas non plus envie de blesser les gens. Ouais. Donc, on parlait hier avec Navo d'intelligence émotionnelle. Donc, voilà, parfois, les gens n'attendent pas réellement la vérité, c'est ce qu'on se disait, mais des paroles réconfortantes, donc il faut pouvoir avoir... Mais c'est pas forcément un mensonge. Tu peux réconforter quelqu'un. Bien sûr, sans les mots de... Donc, dans l'idéal, on est parfaitement honnête, mais si on sent que cette honnêteté peut blesser une personne, bah, on essaye de mettre les formes le plus possible, mais de là à mentir, c'est différent. Je pense que vaut mieux esquiver ou ne pas répondre directement. Mais en même temps, quand il s'agit d'une création, je pense que si tu demandes l'avis d'une personne, tu t'exposes aussi à des critiques négatives, quoi. Si tu veux pas avoir de critiques qui font mal, bah, la meilleure manière de faire, c'est de ne pas les demander, quoi. Particulièrement à Bruno, par exemple. Par exemple, dans le spectacle, il y a une règle qui est que tu descends pas quelqu'un quand il sort de scène. Donc, j'ai quand même dit qu'est-ce qu'on a pensé. Je dis, on en parle demain. Ouais. Mais l'effet est le même, non? Non, parce que je le dis tout le temps. Ah oui, d'accord. Que ce soit bien ou pas. Je dis, moi, je donne pas mon avis à quelqu'un qui sort de scène. Il dit, ah, pourquoi c'était pas bien? T'as pas compris ce que je viens de dire. Je donne pas mon avis. Ouais, mais parce que... Il faut que tu réfléchisses, il faut que ça infuse un peu. Non, parce que ça se fait, c'est pas gentil de quelqu'un qui sort de scène, qui est dans l'excitation, la joie, le doute, peu importe, et qui est très fragile émotionnellement. Si t'as, de lui dire c'était nul, mon pote. Quand c'est super et que je le connais bien, je lui dis c'est super, mais dans l'absolu, tu dis bah faut pas demander ça en sortant de scène. C'est même un conseil que tu donnes. Tu dis mec, demande pas ça en sortant de scène. Ouais. Tu viens de kiffer, il y a des gens qui ont applaudi. Profites-en. Si tu vas chercher n'importe qui, tu dis c'était bien, que le gars dit c'était nul, il te brise ta soirée. Et chie dans une poubelle. Va boire un coup, va au resto, kiffe, tu viens de sortir de scène, quoi. Ouais. Vas-y. Non, mais rien. C'était juste par rapport au petit mensonge, quoi. Oui. Non, parce qu'il y en a un très récent, personnellement. Alors, je sais pas si vous avez reçu les pots de pâte à tartiner. Si. Voilà. C'est Mathieu Pradalet de la chaîne French Food Porn qui a passé des mois à mettre au point une recette de pâte à tartiner avec son père. Donc, les invités du festival ont tous reçu un pot. J'ai trouvé ça très bon. Je suis pas vraiment invité. Je suis invité des invités. Je peux te donner le mien parce qu'il y a du lait dedans et je n'en mange pas. Ah voilà. Ah oui, parce que c'est pas végétal, c'est bio. Tout à fait. Ouais. De quoi? Oui, voilà, oui. Donc voilà, donc je suis moi dans un Airbnb avec ma compagne et on avait notre pot de pâte à tartiner et elle est vraiment très bonne, hein, c'est une pâte à tartiner. Donc attends, ta copine a la pâte à tartiner. Oui. les deux, enfin, mais ouais, c'est pas la question. Ah putain, donc, j'étais trop content. J'allais dire, il a sous-entendu que tu n'étais pas bonne. Ouais, c'est vraiment Et donc voilà, donc cette pâte à tartiner étant vraiment très bonne, je l'ai torchée en deux jours clairement. Et comme on dit à l'accoutumée. Voilà. Et, comme McFly. Et donc ma copine me dit, bah dis donc, t'as vraiment tombé la pâte à tartiner. Et je lui dis non. Mais on était deux dans le truc. Attends, mais t'as menti. Donc c'était un mensonge assez foireux. Voilà. Elle m'a grillé assez vite. L'enfant, c'est pas moi. Ouais. Alors qu'il y a une trace quand même jusqu'à l'oreille. Seul. Non, c'est pas moi. Voilà. Les amis, j'essaye d'avoir un espèce de conducteur pour pas que tout le monde soit flouté. Est-ce que des gens ont des questions sur le thème ou pas du tout pour les invités qui sont autour de la table? Plutôt a priori pas du tout, peut-être. Oui, n'importe. Enfin, par contre, tu détestes ce thème, Adrien. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? Mais est-ce qu'on a un micro dans la salle? Je vais y aller, je vais me déplacer. Tu peux utiliser ton pénis? Vu que c'est un micro-pénis. Non. Ça va pas ou quoi? Vous êtes cinglés? Vous êtes des fous? J'aurais voulu savoir un peu votre rapport au biais du survivant, qui est un truc qui m'intéressait beaucoup récemment. Donc, pour définir un petit peu, il y a deux points de vue. Donc pour le survivant, ça va être, on peut imaginer Steve Jobs par exemple, qui va donner des conseils, enfin qui a pu donner des conseils sur voilà comment réussir, blablabla, et qui se rend pas forcément compte qu'il a eu de la chance, que il y a plein de critères qu'on se rend pas forcément compte quand on réussit. Et à l'inverse, du point de vue de la personne qui regarde cette personne qui a réussi, de croire qu'en appliquant mécaniquement toutes les étapes que la personne a franchies, ça va magiquement marché aussi pour elle. Donc, je vois juste votre rapport à ce concept. Ben, moi, je trouve que c'est super. Non, mais moi, c'est en plus aussi un truc que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a vachement intéressé, ce truc de biais du survivant. Parce que c'est un peu, en fait, donc le principe en gros, c'est que quand les gens réussissent, c'est ceux qu'on entend témoigner, et ceux qui échouent ont plutôt tendance à ne rien dire, et du coup, on a l'impression que, enfin, ça crée un biais du coup, parce qu'on pense que forcément, on ne peut que réussir, alors que forcément, pas forcément. Et il y a quelque chose, moi, c'est dans le domaine de la santé mentale, notamment, que je trouve ça assez embêtant et dangereux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah non, mais moi j'ai fait ça et je m'en suis sorti et tout va bien maintenant, etc. Bah, la dépression suffit de alors ah, bon, voilà, ah, il faut se tirer par les bretelles, il faut sourire un peu, il faut se mettre des lapins dans la chatte. Non, mais il y a ça aussi, ça fait partie des arguments des anti-vaccins, parce que ils ont un truc où ils disent, les anti-vaccins, bah comment on faisait avant, on mourait. Mais en fait, on n'est plus que les survivants à pouvoir discuter de si on se fait des vaccins pour survivre. Donc en fait, les morts, s'ils pouvaient témoigner, tous ceux qui sont morts en disant j'aurais dû me vacciner, tu vois, donc il y a un effet du survivant. Et moi, j'ai connu l'effet du survivant avec toutes les interviews de ma vie après. Bref, donc, vraiment pour moi, on me demandait les chiffres que j'avais joué au loto, quoi. J'étais là, j'ai joué le 7. Il notait le 7, ok, super. À moi, programme court. Et du coup, Adrien ? Non, mais donc je disais que dans le domaine de justement la santé mentale, c'était particulièrement dangereux et qu'il fallait faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sous couvert de bienveillance et de vouloir transmettre un message positif, font justement le jeu du biais du survivant. Même en disant la santé, je trouve. Oui, toute la santé, mais j'ai bu du jus de citron, j'évacue le cancer. Ouais, mais ça c'est enfin je trouve que ça c'est vraiment une branche quand même assez presque obscure des gens qui sont vraiment loin dans ce truc de genre on guérit le cancer avec des jus de fruits, mais ce truc de genre pour aller bien, il suffit de faire des listes tous les matins et après on vainc sa dépression. Et en fait, je trouve que c'est des gens qui, sous couvert de vouloir transmettre un message positif, ont un discours un peu dangereux, quoi. Ils ont même souvent pas été dépressifs, ils étaient déprimés juste. Oui, voilà. Ils se disent, je sais ce qu'est la dépression maintenant. Et voilà. Puis et aussi, le cerveau humain est tellement complexe que il y a une infinité de paramètres qui fait que telle méthode va fonctionner pour une personne et pas pour une autre. Donc c'est très délicat et c'est très dangereux de faire des généralités comme ça. Voilà. L'intelligence de ta question vient de me gifler, en tout cas, par rapport. Moi, j'étais sur chier dans des poubelles, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question à la con, peut-être. Non, mais tu vois, si on interviewait que McFly, on pourrait croire que tous les gens qui ont chié dans une poubelle s'en sont sortis. Alors que ceux qui sont fait virer n'en parlent pas, quoi. Bonjour, déjà. Bonjour. Alors, bonjour. J'aurais une question pour, vous. Mise à l'amende, quoi. Bonjour. Non, c'est bien. J'aurais une question pour, vous cinq. Quelle est la chose sur Internet, qui vous concerne, dont vous avez le plus honte et que vous voudriez vraiment que ça dégage d'Internet parce que... Dans nos œuvres? Dans tout, en vidéo, en n'importe quoi. N'importe quoi. Des trucs de nous ou les trucs... De vous. Ah, des trucs qu'on a fait. Gêne, Que question un peu clash, hein, quand même. Hein, j'ai autant pour les autres, je peux répondre. Des trucs un peu pas top que j'ai fait, il y en a, mais pas au point que je veuille que ça disparaisse d'Internet, quoi. Oui. Puis c'est bien que ça sorte, hein, de toute façon, c'est bien que ces trucs-là existent. Et puis t'inquiète pas, si c'est nul, le public le dit. Hein, j'ai surtout viré tout ce qui était vraiment gênant. Ouais, oui, voilà. Alors par contre, oui, les très vieilles vidéos de quand j'avais 18 ans et que je refaisais des sketchs des Nous c'est Nous. Est-ce que tu dis ça parce que t'as des dossiers sur nous? Parce que et là, tu sais, le truc. Wow. Ah, okay, ouais, j'ai dit ça, ouais. Ouais. Moi, j'ai un truc. Oh. Est-ce que c'est la photo de toi quand t'es petit qui est montre-la. Non, bah c'est bon. Et quand vas-y. Non, c'est une sorte de parodie de X-Files. Oh, je l'ai vu. Fait, voilà, avec des potes quand j'avais 18 ans. Et je l'avais uploadé sur Dailymotion il y a genre 10 ans. Enfin, je sais pas de quoi. Dailymotion, c'était un site qui m'a dit. Donc vraiment, c'était au début de Dailymotion et j'avais uploadé cette vidéo qui était une parodie de X-Files vraiment catastrophique. C'était pas si qu'on mal. Avait monté avec deux magnétoscopes et des VHS. En fait, c'est un pote qui avait fait ça. Je saurais même pas expliquer comment il se débrouillait pour monter le truc, mais en tout cas, c'était rudimentaire comme technique. Et donc j'ai uploadé ça sur Dailymotion il y a bien bien des années. Et ensuite, j'ai perdu les identifiants de mon compte Dailymotion. Ah oui, donc, accident bête. Voilà, donc la vidéo est là toujours sur Dailymotion où j'ai 18 ans dedans et c'est vraiment très très nul, c'est très douloureux. Voilà, on va tous aller la regarder. Alors, mais attends, mais j'ai pas donné le nom, c'est pas X-Files le nom. T'inquiète, fais confiance. Mais c'est sur Dailymotion, jusqu'à présent, ça m'est déjà arrivé d'en parler comme ça, peut-être à la nuit originale ou quoi, et ça n'a jamais ressurgi. Donc c'est un défi. Moi je connais un mec qui bosse chez Dailymotion, si tu me donnes le titre exact, je peux m'arranger pour qu'il l'efface si tu le dis là. Non. En même temps, je sais pas si je veux l'effacer parce que c'est quand même la dernière trace que j'ai de ce souvenir. Faut que tu donnes le titre exact. Oui, faut le donner maintenant. Mais si là, si tu veux l'effacer, si tu veux pas l'effacer, c'est vraiment pas la réponse à sa question, quoi. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est pas loin. Ouais, mais je suis partagé. T'es partagé? Je suis middle. Attends qu'on la trouve, tu vas voir si t'as envie. Que... je sais que si j'ai envie de la revoir, si j'ai envie d'avoir des souvenirs de la, c'est les seuls documents vidéo de cet âge-là pour moi. Donc, vu que j'ai plus la VHS, enfin, je dois peut-être l'avoir, mais je peux plus la lire, quoi. Je sais que si j'ai envie de la revoir, je peux taper les bons mots-clés dans Dailymotion et je la regarde. Mais lesquels, par exemple? On imagine, là, t'es dans l'ordi, tu tapes quoi, par exemple? Je peux faire un erratum. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va dire? J'avais pas compris que la blague de Adrien, quand il a dit dis-moi le titre exact et je vais te faire effacer. Oh, pas mal. C'était tellement astucieux que moi-même j'ai été pris dans le même. Non, mais c'est rien. Vu. Tu sais que c'est des cadeaux qu'il fait aux gens, hein. C'est pour ça que moi j'écoute tous les podcasts 4-5 fois. C'est pour toutes les subtilités d'Adrien. Je croyais que tu mentais pas, Navo. C'est vrai que tu mentais. Non, mais tu m'impressionnes. Ça y est, Valentin, je voulais dire un truc. Pour faire des blagues, je mens. C'est un moment, je dis hier, j'étais avec mon dragon. C'est... menteur, t'es un menteur. Ça s'appelle la fiction. Je me suis souvenu d'un truc. Honteux. Très honteux. Bah, il y a déjà ton ancien pseudo Twitter. Alors, est-ce que tu peux l'offrir au monde entier? Nous sommes dans le palais des papes. Peux-tu, Valentin, dire non, parce que il sert pour d'autres trucs. Mon compte PSN. Les sites porno. Alors, il laisse beaucoup de commentaires sur Twitter. Pour quoi? Pour mon compte PSN. Parce que je connais. Changer, du coup. Moi, je connais un mec qui bosse chez Sony. Si tu donnes le... Ah, oh, il l'a refait. Oh, là. Putain, mais ouais, Bruno. Putain, il est fort. Hein. Il est vraiment très fort. Mais je serais ravi de le donner, mais en plus, j'ai un doute. Bon, en tout cas, sachez que dans le pseudo, il y a le mot Roubignol. C'est un jeu de mots avec Roubignol, mais c'était pas ça. C'était un autre pseudo que j'avais. Je me suis souvenu que, au collège, j'avais beaucoup discuté sur un forum sur Emma Watson. Voilà. Aïe. Ça va devenir glauque dans 10 secondes. Non, mais okay. J'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est tout aussi glauque que ce que vous imaginez. C'est très très glauque dans notre tête. Ouais, donc, peut-être. En fait, ça le sera moins si tu le dis. Non. Parce que le fait que tu ne peux pas le dire, je vois des horreurs. Mais c'est toutes ces horreurs-là. Je crois que c'était plus gentil. Est-ce que t'imprimais des photos et t'éjaculais dessus? Parce que c'est ça que j'ai dans la... D'accord. Alors dis la vérité. Pour moi, quand t'as dit c'est ce que vous imaginez, moi ce que j'imaginais, c'est les gars qui collent plein de photos. C'est ça, avec plein de photos. Se font un mur, ils se branlent dessus, ils les uploadent. Ils appellent ça hommage. C'était des discussions de genre, mais j'étais au collège. 22, 23 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Non, 14, en 4e, 3e. Et quand l'adolescence commence Attends, elle avait quel âge quand t'étais en 4e, 3e? Le même âge, Ah oui, ça va. Ah oui, c'est vrai, oui. Et de mon point de vue, c'était horrible. C'était horrible. C'est quand l'adolescence, ça commence à... Et donc, ça discutait de genre, j'aime trop cette femme. Est-ce que tu imagines des théories, genre, si j'étais dans Poudlard, je mettrais la cape d'invisibilité et des trucs? Non. J'ai pas les détails, mais voilà, quelque chose. Mais genre, ce forum est encore en ligne, trouvable, quelque part? C'était quoi comme forum? Le style du forum, c'était un forum consacré à dire des trucs Non, c'est un forum, c'était un random d'un site, quoi. J'arrête, je donne pas plus d'infos, j'ai trop peur. C'était classé par âge et ça concerne. C'est un forum vidéo, qui parle de jeux vidéo normalement, mais voilà. très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, monsieur. Ah, j'allais dire oui, mais faut que je t'amène le micro, putain. Putain, car tiens, ouais. Il est d'une vulgarité. Mais gros mots, c'est un peu limite. Mais voilà. Alors moi, je voudrais savoir un petit peu que, enfin, chacun à votre tour, vous nous racontiez un petit peu votre journée type par étape, comme ça, vite fait. Bah Valentin, il y a le site d'Emma Watson déjà. Oui, pendant maintenant je suis il se fait passer pour un adolescent. Je suis modérateur maintenant, j'ai plus honte du tout. Oh bah allez-y, je vous en supplie. Bah non, mais elle commence, Florent. Enfin, vas-y. Oh oui, mais bah, ouais. Non, bah ça, moi, ma journée type, en fait, elle a changé il y a 7 années presque, en fait. Mais vous avez des journées types. Moi, je pensais que tout le monde allait dire, waouh, c'est compliqué d'avoir. Mais journée type. Non, j'allais faire un peu large, tu vois. Mais en gros, le matin, je fous pas grand-chose parce qu'il faut le temps que j'émerge un petit peu. Qu'est-ce que t'appelles le matin? Ouais, il donne des ordres depuis tout à l'heure, lui. Ouais. Il a fait, je veux que chaque personne, Et les gens chacun pas, son tour, les gens n'ont pas le visuel, mais décrive sa journée type. Il a vraiment dit comme ça, quoi. Non, moi c'est vers ouais 9h, un truc comme ça. Mais parce que maintenant je vis avec ma meuf aussi, ce qui m'aide à avoir une régularité de la vie que j'avais pas avant, où je mangeais des kebabs à 6h du mat et que j'allais me coucher à midi et demi. Enfin voilà. Maintenant il y a des légumes chez toi. Hein? Il y a des légumes chez toi. Il y a des maintenant. Légumes dans mon frigo, ce qui n'est pas arrivé en 27 ans. C'est depuis un an il y a des légumes dans mon frigo, mais périmés parce que j'en mange pas beaucoup. C'est vrai. Non, mais donc voilà, je me lève et puis après je réfléchis à des trucs, mais je suis un peu oisif et je marche beaucoup. Moi donc en fait avant de commencer vraiment à écrire. Pour l'instant c'est la journée d'un retraité que tu viens de dire. Non, mais je me trouve une petite promenade, je la remonte, je vais voir la pharmacienne. Non, mais tu vois, je me balade un petit peu et après je me pose dans un endroit pour essayer de trouver des idées. Sur un arbre? Parce que c'est sûr, t'es un oiseau, hein. En ce moment, en tout cas, je me pose dans des endroits, parce que j'écris pas mal tout seul en ce moment. Et donc, du coup, moi, j'ai mon endroit type, qui est, en fait, je vais dans un multiplex de cinéma, un UGC, où ça peut être un Gaumont, un Pathé, mais moi, en tout cas, c'est UGC. Et en gros, il y a un petit endroit lounge pour attendre les films. Mais en fait, c'est un petit endroit lounge où tu peux acheter des boissons et des trucs comme ça. Et moi, je me pose ici parce qu'il n'y a jamais personne. Personne n'arrive trop tôt au cinéma, que toujours 25 minutes en retard, avec la lumière du téléphone un petit peu fortement allumée. Et donc du coup je me pose là et je travaille et c'est très cool parce que moi les cafés et les bars il y a de la musique trop forte donc ça me saoule. C'est très retraité hein, depuis le début hein, vraiment. Ça me saoule et puis en plus à Paris le coca c'est à 7 balles donc du coup là c'est un peu moins cher donc voilà c'est cool. Donc voilà. Attends, c'est moins cher dans un cinéma? Ouais, beaucoup moins cher, c'est 3 mais euros. Je croyais que le popcorn était à 1000 $. Mais c'est du popcorn en or que tu manges. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Mais le cinéma, c'est réputé pour avoir des trucs, oui, des KitKat à 70 moins qu'un café, 70 moins qu'un café. Un coca, genre, c'est 3 balles. Hein? Voilà, au lieu de 6. Intéressant. Bah, c'est 2 fois moins. Vous autres. Pardon, faut que j'arrête de faire ça, désolé. Ouais, en tout cas, dans la journée type de Flaubert, à aucun moment il se lave les dents, à quel moment il se touche. Dégueulasse. Oui, j'ai été exhaustif sur 2-3 détails. L'inverse exhaustif. Oui. Quelle heure il est? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je commence par chier dans une poubelle, personnellement. Tu ne le fais pas. Bah, tu oui, peux oui. passer les trucs que tout le monde fait. Ouais. Non, mais sinon, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est compliqué de définir une journée type. Enfin, moi, ça dépend vraiment de des périodes, quoi. Oui, ça dépend, parce que les trucs qui reviennent, c'est genre se laver, manger. Oui, voilà. Ce qui reste assez. Mais banal. Ça dépend de ce que t'as à faire. En fait, bah, disons que. Dans les métiers créatifs. Combien il y aurait de phases? Parce que c'est pour ça que j'allais dire, il peut y avoir genre 2-3 styles de journée, en fait. Ouais. Et chiante ta question, hein, toi, hein, putain. Mais non, elle est super. Moi, j'ai envie d'entendre vos réponses. Donc, c'est bien la preuve que la question est bonne. Ouais. Ben, ça dépend s'il y a des choses à rendre, quoi. S'il y a des deadlines à respecter. Typiquement, si je suis dans l'écriture d'un bouquin, ben, je sais qu'il faut que je travaille tant d'heures dans la journée, donc je me lève en fonction et je fais ce que j'ai à faire. C'est plus du tout précis, là. Ben ouais, non, je sais que quand je dois travailler un certain nombre d'heures, je me lève à une heure qui correspond à ce nombre d'heures. Voilà, mais j'ai pas de routine. J'ai pas de routine, en fait. Disons que j'essaie de faire le plus possible ce qui me plaît dans la mesure du possible. Nanofiction, tu nous fais pas croire que tu t'es levé à l'aube. Alors, tu m'as raconté. Pour copier-coller 3 tweets. Alors. Pour la nanofiction, par exemple, c'est un truc qui s'écrivait un peu partout, tout le temps, dans le train, en attendant. Enfin, je sais pas. C'est le genre de truc que tu peux écrire sur ton téléphone. Donc, c'est un bouquin qui s'est écrit partout, à n'importe quel moment. Des fois, je sais pas. Moi, au milieu de la nuit, t'arrives pas à dormir. Il y a une idée qui vient. Donc, c'était un processus d'écriture un peu particulier. Comment il tourne autour du pot? Il nous endort. T'es d'accord? On dirait un gars qui il sait que tous les après-midi, il lèche le cul d'un chat. Genre, il fait. Cela dépend. Certaines journées, mec, crache. Ben voilà. Crache le morceau. À quelle heure tu te lèves? Mais franchement, ça dépend. Si j'ai rien à faire, si j'ai c'est rien un fiasco. À rendre, c'est un fiasco. On peut le dire. Bah, passons à autre chose. Elle est nulle. On est incapable de la poser il y a 3 jours. Peut-être que peut-être que quelqu'un a une routine du coup. Mais non. Et non, c'est ça. Non. En fait, la réponse c'est ça, c'est qu'on n'a pas vraiment de routine. Ouais. On a mis beaucoup de temps pour dire ça. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Du coup, je voudrais savoir, est-ce que vous regardez genre des vidéos sur YouTube, genre ça vous arrive vraiment ou c'est juste vous mettez vos vidéos et vous regardez les commentaires ou quoi? Ou oui. Ah, bah, moi, je regarde plus de vidéos que j'en mets. Bah oui. Oui, non, moi je. Et peut-être est-ce que tu as une chaîne à recommander, par exemple? Peut-être. Au lieu juste qu'on va tous dire non. Si, sûrement, mais je vais réfléchir. D'accord. Valentin, outre des vidéos avec peut-être une actrice anglaise dont on verra le nom. Comment tu sais? Non, t'inquiète. Oui, moi je regarde pas mal de vidéos sur YouTube. En ce moment, je me suis abonné à beaucoup de vidéos sur le cinéma, d'analyse de des trucs comme Just Right ou Durandal. Troisième pas la ref. Ça m'arrive. Ouais, pas ce qu'est Durandal. Ça m'arrive aussi. Mais typiquement, cinéma qui a gagné un prix. J'avais découvert cette scène la semaine dernière. Je regarde ce genre de vidéos. Voilà. Ménélite. Moi je regarde. Tu regardes aussi, non, Adrien, les vidéos de mecs primitifs technologiques. Oui, bah c'est ce que j'allais dire. Ouais. Si vous pouvez expliquer ce que c'est, Adrien. Réponse, par exemple, des mecs qui. Adrien, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, s'il te plaît? Des gens. Je sais pas le pays exact, mais en gros, ils construisent par exemple une piscine en partant de zéro avec des cailloux et de la terre, et c'est vraiment tout le processus de fabrication. C'est vraiment typiquement le truc qui est vraiment beaucoup plus intéressant à regarder qu'à raconter, mais voilà, c'est ce genre de truc. Pour t'endormir, c'est apaisant, je trouve. Oui, voilà. Et puis moi, j'aime bien regarder. Le gars, il prend un caillou avec, il fait un couteau. Après, avec le couteau, il coupe un truc avec lequel il peut couper un arbre. Après, il fait une hache. Après, avec la hache, il fait. Wow. C'est Minecraft, mais comment t'arrives à t'endormir? Parce que moi, j'ai toujours envie de savoir où ça va. J'en ai regardé une et j'arrivais pas à m'arrêter. Parce que ça s'appelle faire une maison. Donc, tu sais bien que s'il va faire une maison. Ouais, mais justement, moi, je veux voir le résultat. J'ai regardé une fois et j'arrivais pas à décrocher. Ça dure 20 minutes et j'étais. Bah, après, tu regardes tout la ça même. Pour me dire, l'eau doit être dégueulasse. C'était la piscine. C'était vraiment la piscine et je fais OK, la piscine est très bien, mais demain, l'eau est dégueulasse. Ouais, Patrick, toi? Parce qu'il n'y a pas de système de filtrage. Bah, c'était vraiment ma réponse, quoi. On est trois là-dessus. En fait, j'ai découvert ça récemment, ces vidéos de survie, là. Et ils ont vraiment pas d'outils. C'est dingue. On a deux mecs dans la jungle qui n'ont rien. Et même le ciment, ils le font avec des pierres. Ah, mais c'est la chaud. Bon, moi, je regarde, c'est un gars tout seul. Ah, toi, tu connais un gars tout seul. Moi j'ai tout seul. Moi, il n'y a pas de gars du tout. Waouh! Ouais. Moi, il y a moins un gars. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que quand tu regardes, t'es plus là non plus. Alors après, peut-être qu'à deux, justement, ils font des trucs plus ouf. Je connais pas ta chaîne du mec seul. Ils sont allés sur la lune. À deux, ils sont allés sur la lune. Ils font une piscine en forme de papillon avec. Ah oui, je l'ai vu. Oui, c'est celle que j'ai vue. Une passerelle qui traverse la piscine. Ouais. Et un système qui achemine l'eau d'une rivière jusque dans la piscine et même le ciment, parce qu'il y a un revêtement dans la piscine, c'est pas de la terre. Évidemment. Et ils créent leur propre ciment avec des pierres qu'ils foutent dans de l'eau. Ils ont vraiment pas d'outils, quoi. Ils ont des bâtons, des cailloux. Et donc, quand j'ai découvert cette chaîne, je me suis dit, si demain la société s'effondre, on aura quand même des piscines. Et ça m'a pas mal. Voilà. Ce qui est quand même le truc dont on a besoin. Oui. Enfin, vous, je sais pas, mais nous d'autres de YouTube, sans piscine, comment on est heureux? Où est-ce qu'on met les puces? Depuis YouTube Premium, en tout cas. Ouais, YouTube Premium, pardon. Écoutez, peut-être on prendra des questions à la fin si jamais j'ai foiré mon timing, ce qui est pas impossible. J'aimerais qu'on passe à un jeu. Oui. Est-ce que vous connaissez l'humoriste Jean-Marie Bigard? Non. Alors, Jean-Marie Bigard est un humoriste français. Je vais mettre le jingle, pardon, du jeu, et puis ensuite on se retrouve juste après. C'est complètement dingue. On continue à me dire que je suis vulgaire. Alors là, vite, branlette, partout dans le cul. En plein dans la chatte, là. Je rappelle qu'on est au Palais des Papes. Hein. Voilà. C'est un bonheur, Patrick, de revenir toujours avec ce jingle dans ce palais. Pour moi aussi. Parce que là, bon, déjà, il y a eu Crazy Frog pour la première fois, en début d'émission. Maintenant, Jean-Marie Bigard. Oui. Donc, le jeu du Jean-Marie Bigard, il est très simple. À la différence, il y avait des gens qui étaient venus la première fois au Floodcast de Frames. Oui, très bien. Donc, on jouait au jeu entre nous et le public pouvait participer, mais il n'avait pas spécialement de cadeaux. Cette année, je ne suis pas venu les mains vides et nous allons avoir plein de cadeaux à vous offrir. Qu'est-ce que le jeu du Jean-Marie Bigard? Le jeu du Jean-Marie Bigard, je vais vous faire écouter le début d'une histoire drôle. Il va falloir deviner la chute. Sauf que c'est Jean-Marie Bigard. Donc la chute est orientée. Pensez poubelle, ce genre de choses. Ouais. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous participer. Donc je vais vous faire l'extrait. Vous levez la main. Celui qui pense avoir la réponse, j'essaierai d'être le plus impartial. Un spartiate. Essayez d'être un spartiate. pour vous faire gagner des cadeaux, vous aurez votre premier cadeau. Ensuite, il y aura l'énigme bonus. Et si vous réussissez l'énigme bonus, alors là, franchement, respect, quoi. Attention. Mais attends, excuse-moi, j'ai une question qui doit brûler les lèvres d'Adrien Méniel. Nous, on joue pas? Vous pouvez participer si la réponse n'est pas tout de suite trouvée, ou alors j'improvise, je vais c'est nous contre 3000 personnes là, quoi. Ah, oui, mais c'est un défi qui te plaît, j'imagine, Bruno. Bah, de ouf. Ou alors, si vous voulez, vous choisissez celui qui doit trouver la réponse. Ouais, je sens que j'ai tout perdu, tout mon accent. Les règles étaient assez floues, bon, mais écoutez, on va y aller. Okay. Oubliez ces derniers mots. Ouais, ouais. C'est un petit garçon, il voit pour la première fois sa maman toute nue. Et il est vachement étonné, il dit maman, mais t'as pas de zizi? Alors sa maman lui dit non. Alors je sais que pour les filles, le bon Dieu, à la naissance, il prend une petite hache en or, il coupe le zizi. Tu vois? Et c'est pour ça que ça fait une petite cicatrice. Et le petit garçon, il dit... Que dit le petit garçon qui parle à sa maman sur quand on coupe le zizi? J'ai vu une main se lever très tôt là-haut. Par contre, tu peux venir s'il te plaît? Tu vas venir. Tu veux la dire devant tout le monde? Est-ce qu'on peut dire que s'il la connaît parce qu'il a déjà vu la blague de Jean-Marie Bigard, c'est pas du jeu? Ah ben... Non? Ouais. Okay. On le dit pas. Okay. Il me dit visiblement c'est parce que je suis un gros beauf, vient-il de me dire. Est-ce que tu peux nous dire la chute de cette... Est-ce que déjà tu peux me dire ton prénom, ton âge, et est-ce que tu peux faire une imitation de Jean-Marie Bigard, s'il te plaît? L'imitation, ça va être compliqué, mais moi c'est Franck et j'ai 35 ans. L'imitation, c'est simple, c'est dire à ce moment-là le gars. Voilà, donc c'était très simple. Est-ce que tu peux nous dire la chute de cette blague? Ah, c'est dommage, en plein dans la chatte. Mais elle est dans le générique d'ailleurs. Hein? Elle est dans le générique, bien joué, on va l'écouter. Et le petit garçon, il dit ouais, d'accord, mais en plein dans la chatte là, putain. Oui, félicitations, viens, on ne repart pas. Tu as gagné ton cadeau. Tu gagnes Bigard met le paquet. Alors peut-être l'as-tu, visiblement. C'est donc il y a une heure de bonus sur le DVD. Il y a le lâcher de salope. Enfin il y a plein de chefs-d'œuvre. Je te propose de gagner le super bonus. Est-ce que t'es prêt pour le super bonus? Ou est-ce que tu veux miser sur un de ces quatre poulains qui sont à ta droite? On peut l'aider peut-être. Vous pouvez l'aider. Je sais pas, on va dans... Le super bonus, il est bien simple. Est-ce que vous connaissez le chanteur français Eddie De Preto? On est en train de télescoper les jeux, c'est un bordel. Eddie De Preto a fait une chanson qui s'appelle La Fête de Trop, d'accord? Le but du jeu, c'est qu'on dit qu'Eddie De Preto, il fait un truc, et c'est le quelque chose de trop. Et ça rime avec fête. Je l'ai pas mal expliqué. Ouais, c'est bien. Vrai, on peut donner un exemple, par exemple, peut-être. Un exemple. Par exemple, la guitare de Eddie De Preto est devenue inutilisable. C'est la frette de trop. Exactement. Wow. Alors, sauf que là, tu l'as raconté. On peut l'applaudir. Non. Sauf que pour que le point soit validé, Adrien, il faut prendre la voix d'Eddie De Preto que je vous ai fait écouter. L'argent, c'est la fête de trop. Donc, tu vas nous faire ça, toi. Viens ici. Donc, Eddie De Preto en a marre de ce peuple amérindien peuplant le Mexique entre le 13e et le 16e siècle. C'est l'Aztèque de trop. Oui! Eh bien, écoute, tu gagnes du coup un vrai cadeau, pour le coup. Lettre à l'ado que j'ai été, écrit par Jack Parker. Tu l'as pas déjà? On est sur deux salles, deux ambiances. C'est dédicacé par Bigard, par contre. Ouais, par contre, il est dédicacé par Bigard. Donc oui, c'est le livre qui avait sorti Taous avec, il y a plein d'anecdotes de gens sur l'ado qu'ils ont été, dont Adrien, dont Patrick, je crois. Bruno, t'as participé, je ne sais plus. Non. Non. Yes. Donc voilà, il y a plein de gens. Trop tard. Il y a celle de Valentin où il dit calmos sur les forums. Respectez ma Watson. Mec, tu vas regretter. Donc, bravo à toi. Bravo. Je suis trop content parce que là, ça devient une kermesse et je préfère, je crois. Bah écoute. On va écouter la nouvelle blague de Jean-Marie. Ces deux mecs sont sur un banc public et ils regardent un pitbull en train de se lécher les couilles. Il y a un des deux mecs, il dit à l'autre, et il dit putain, qu'est-ce que je voudrais bien pouvoir en faire autant. L'autre, il dit putain. Alors l'autre, il dit quoi? Ah, il y a quelqu'un de très loin. Ton prénom, ton âge et ton imitation de Jean-Marie Bigard. Je suis sûr qu'il y en a un qui le fera. Émilie, 37 ans, et l'imitation, ben non. L'idée, c'était d'avoir la réponse, par contre. C'est le pitbull. Achète un chien. Achète un chien? Ben oui, j'aimerais bien en faire autant. Achète un chien. Ah oui, c'est un peu ça, mais moins finement tourné, bizarrement. Moi j'étais sur tu veux que je lui tienne la gueule ou mets-lui une muselière, tu vois. Ou t'as pas peur de te faire mordre, moi j'aurais dit. L'autre il dit bah vas-y, mais caresse-le alors d'abord. Oui, on peut t'applaudir. Ouais. Tu gagnes Bigard l'intégrale. Parce qu'en fait, on s'est dit que bon, on utilise quand même les blagues de Bigard sans lui demander son autorisation. Donc, le moindre des choses, c'est de faire gagner des spectacles. Rendre l'appareil. Donc, Bigard intégral à l'Olympia. Rendre à Bigard. Hein? Rien. D'accord. Bigard intégral. Et comme tout à l'heure, tu peux gagner le super bonus. Eddy de Préto est à l'enterrement d'un proche. Le curé vient réclamer de l'argent, mais Eddy n'a pas de monnaie sur lui. Là, faut faire l'imitation, par contre. Ah non? Est-ce que tu veux demander à quelqu'un de 4 larrons? Non. Vous l'avez? Parce que c'est la quête de trop. Ah non, non, mais j'ai pas compris la réponse, Bruno. C'est la quête de trop. Oui. Oh, merci beaucoup. Tu gagnes le livre L'art de la guerre 2 de Sophie Marie Larouille. Ah oui. Ah oui, non, des beaux cadeaux. Oh là là. C'est un livre qu'elle a fait, que je te conseille. Eh bien, bravo à toi. On arrive au bout, je vais faire une crise d'angoisse, j'ai très chaud. Nouvelle blague, attention, on se concentre. Et le pute qui dit à l'autre, t'as demandé quoi au Père Noël cette année? Dites. Alors, oui, non, mais toi t'as déjà eu ton DVD de Bigard, ça va aussi, gourmand. Qui attends, a mais la réponse? Là, il y a eu tout là? Hein y a, j'ai... Ah oui, elle est très rapide. T'as demandé sans quoi au Père Noël et l'autre, et c'est la réponse qu'il faut trouver. Il faut trouver la réponse. Donc je te rappelle un petit peu l'intitulé. La, ah la... putain, mais oui, oui. Oui, bah bien sûr. Comment tu t'intitules, s'il te plaît, et ton âge? Guillaume, 29 ans. J'aurais jamais mon imitation, je suis dégoûté. 50 balles comme tout le monde? Et le pute qui dit à l'autre, t'as demandé quoi au Père Noël cette année? Il dit 30 euros, comme les autres. Alors toi, c'est un peu plus cher. Il connaît des meilleurs putes. Ouais, voilà. Il connaît des super. Ouais. Tu t'es fait avoir. Ouais. Écoute, tu gagnes le DD Les animaux et des hommes de Jean-Marie Bigard. Ouais. Un double DVD. Et alors, la super bonus, Eddy de Préto a fait des travaux dans sa maison, mais au milieu de ce chantier, il a déversé trop de gravats. C'est qui peut potentiellement t'aider? Oh, personne ne l'a. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un là dans le public. Tu l'as? Ah oui, mais faut faire la voix, du coup. C'est la brouette de trop? Oui, c'est la brouette de trop! Ah oui. Je te le file à toi ou je le file à lui? C'est toi et ta morale. C'est toi qui l'as gagné. Eh bien, écoute, tu gagnes une BD qui s'appelle Disquette, qui est un truc que j'ai fait avec des copains. C'est mais chez Dupuis. Mais je crois que c'était un cadeau bien et Tiens, je te l'ai servi sur un plateau, celle-là. J'espère merci. Qu'elle te fait plaisir. Patrick m'a regardé, genre, quel manque de bienveillance. Bah oui. Je ne ferai jamais ça. Et alors, la dernière est un peu longue. Pleure pas, hein. La dernière un peu longue, c'est le début de la blague de Bigard ou... Ouais. Non. Ouais, c'est vrai. La dernière blague, elle est un petit peu longue. Voyez plus ça. C'est un peu des nano-fictions, hein, depuis tout à l'heure, d'ailleurs, Patrick. Ben ouais, en vrai. Ouais. Ben moi, c'est ma première inspiration, ouais. Personnellement. Ouais, ouais. Celle-là, c'est presque un Mickey énigme, hein. Elle dure quand même une minute. Je vous toutes les infos sont importantes. Je vous invite à vous concentrer. C'est trois gonzesses qui discutent ensemble, toi, assez librement, de leur sexualité. Puis il y en a une, elle a fait un petit peu la gueule comme ça. Elle dit, ben, Josiane, qu'est-ce que t'as? Tu veux pas parler avec nous? Elle dit, non, mais moi, en fait, j'ai la chatte qui pue l'oignon. Elle n'arrive pas à trouver de fiancée. Et on là, les deux, elles disent, elles ont un copain assez sympa. Il a eu un accident de bagnole, le pauvre. Et figure-toi, il a perdu l'odorat. Présente à Josiane. Josiane, elle le trouve plutôt vachement sympa. Lui, il trouve que Josiane, elle est bonne aussi. Petit bisou dans le cou. Hop, il descend. Ils sont déjà dans le plumard. Hein. Il descend. Et lui, il bouffe la chatte. Elle jouit. Et là, il remonte. Il lui fait un petit bisou dans le cou. Et dans l'oreille, discrètement, il lui dit, dis donc, ta chatte, elle sentirait pas un peu l'oignon? On arrive à la fin. Et elle dit, ma vache, je ne comprends pas. Gilbert, on m'avait dit que t'avais complètement perdu l'odorat. Il dit, oui, oui. Alors, on a ça tous, fait... ça a été très long pour tout le monde, je le sais. C'est usual toi... suspect, le délire, quoi. De quoi? C'est usual suspect, genre, faut bien ouais. Tout. Sachant Pierre... que, quand tu t'appelles? Pierre. Pierre a trouvé au troisième mot. C'est quand même mais il connaît la blague. Il la connaît par cœur. Pierre, est-ce que tu peux nous dire la chute de ce gag? Il a les yeux qui pleurent. Il a dit, ma vache, je ne comprends pas. Gilbert, on m'avait dit que tu avais complètement perdu l'odorat. Il dit, oui, oui, mais ça fait 10 minutes que je pleure. Oui, bravo. Elle est nulle en plus. Elle est vraiment nulle. Tu gagnes le DVD du film Le Missionnaire, qui est le film de Jean-Marie avec Doudy et Pépé, Samantha Hoops. Donc je te l'offre. Ça, c'est pour toi. Il est dans la collection Les Incontournables. Ouais. Ah ouais. Comme quoi, les gens lisent pas les jaquettes. Tu peux gagner le super bonus en répondant à cette question. Par contre, tu me fais la voix. Vous arrêtez de tricher. Normalement, on ne valide pas quand il n'y a pas la voix d'Eddie De Pretto. Eddie De Pretto est à Paris. Mais il a pas de voiture, pas de vélo, pas de trottinette, pas assez d'argent pour le taxi. Là-bas, tu peux peut-être demander à un de tes quatre camarades. Attends, tu peux redire? Ouais, t'es allé beaucoup trop vite, là. Eddie De Pretto est à Paris. Ouais. Il n'a pas de voiture, pas de vélo, pas de trottinette, pardon, et pas assez d'argent pour le taxi. Une petite subtilité, monsieur. C'est. Ah, on passe de Bigard. Si, mais j'ai pas le et. Il y a et? Non. Parce que. Ah, si t'as pas le voilà, voilà, voilà, voilà. Attention, hein, Bruno. Hein. Ouais, mais faut que ça dure le bon temps. Attends, faut qu'on se concentre, on est en équipe. C'est le tic. Ken métro. Ouais. Moi j'avais il a pris le métro, pris le métro. Mais bon, il y avait pas de hête. Franchement, elle fonctionne. Donc bah je te l'offre, écoute. Tu gagnes la bande originale du film Pattaya que je t'offre. Bah c'est pour revivre les moments du film comme si tu y étais, et je t'offre même ce cadeau parce que tant qu'on y est, c'est Noël. Il était une fois Yannick Noah. Une superbe bande dessinée et sur la vie. Je l'avais quand j'étais gosse. Tu l'as? Je l'avais. Patrick, d'ailleurs, je te fais pas te prendre au piège, mais est-ce que tu peux nous lire peut-être la première page pour aider les gens à se mettre un petit peu dans l'ambiance? Roland Garros, 5 juin 1983. Depuis combien de temps le match est-il commencé? Yannick s'en moque comme de sa première raquette en bois. L'autre, en face, l'a cloué sur place. Yannick n'a pas bougé. Le lob parfait. 6-3 pour Yannick au tie-break, troisième set. Encore 3 balles de match et Yann au service. Celle-là, il va la frapper comme une mule. Sur le coup droit de l'autre, et l'autre n'aimera pas. Oh non, il n'aimera pas. Allez Yann, ne réfléchis plus. Service volé, un point c'est tout. Le dernier point, ce serait trop bête. C'est parti comme une fusée et c'est gagné. C'est gagné. Yannick tombe à genoux, se relève, se retourne. Et le voit lui, le fou, qui enjambe la rambarde des gradins, se casse la figure, se remet debout et court vers son fils. Papa! 15 ans qu'il attendait ça, 15 ans qu'ils attendaient ça tous les deux. Puis le grand tourbillon, ça hurle, ça crie, ça chante, ça rit, ça pleure, on agrippe le héros, on le touche, on le bouscule, il étouffe, il gueule un bon coup, se dégage, il est heureux. La coupe, enfin qu'il brandit, haut dans le ciel de Roland-Garros, les micros tendus et les mots qui sortent de sa bouche, de son cœur, les mots simples de son histoire. Ma victoire est d'abord celle de ma famille, de mes amis, celle de la France et celle de ma deuxième patrie, le Cameroun. Il était une fois Yannick Noah, né à Sedan, le 18 mai 1960. Mais... On est d'accord, il y a des dessins sur cette première, parce non, que c'est extrêmement long. La flemme, ça s'appelle la flemme de dessiner. Alors, il y a juste Yannick Noah qui tient une coupe. D'accord. Écoutez, on a encore un peu de temps ensemble. Le jeu du Jean-Marie Bigard a étonnamment été très vite. J'ai sous-estimé le public d'Avignon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, c'est le moment où le directeur du Palais des Papes est passé et a fait comme ça. À sur les ces deux putes qui discutent, il a fait. Ouais. C'est fini pour Frame CC. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions? Comment tu t'appelles? Oscar. J'ai une connerie, mais genre, je voulais savoir si on pouvait gagner ton t-shirt. Mais et sinon, non, j'ai une question un peu plus sérieuse. Je me demandais, quand vous avez des, puisque vous êtes tous des créatifs, quand vous avez des projets, est-ce que ça vous arrive d'avoir des projets où vous voulez mettre trop de choses et du coup vous devez faire un tri? Et si oui, comment vous faites? Parce que c'est une question que je me pose. Et c'est ça, Floodcast. On part des putes, après on passe à ça. C'est ouais, faut s'accrocher, hein. Ben moi j'ai eu là sur donc la série Groom sur laquelle j'étais scénariste. Oui. C'est Groom, c'est quoi? Groom, c'est une série YouTube Premium. Ah oui, d'accord. Florent, oui. Le premier mois est gratuit, tu peux t'abonner. Ah oui. Et... Il faut payer dès le premier mois? Non, le premier mois est gratuit. Ah, et puis okay, après, cool, voilà, putain, en débrouillant bien, tu peux te débrouiller pour tout voir. Oui, bah dis-le. Gratuitement. Non, mais voilà. Et j'étais confronté à ça parce que on rentre dans des contraintes, dans des contraintes de production. Mais est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que ça vaut pas le coup qu'ils mettent pause sur le podcast? Les gens qui vont écouter le podcast, ils s'abonnent à YouTube, ouais, et bon, ils reviennent après pour comprendre ce que tu vas raconter. Voilà, faites ça. Mettez une pause, à tout de suite. À vous, parce qu'après la salle sera vide. quoi qu'on peut se. Bon, bref. Forcément, il y a des. On a envie de mettre beaucoup de choses, et puis il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de production, etc. On est obligé de faire le tri. Et en fait, ce qui est impératif et aussi difficile, c'est de parfois virer des trucs qu'on aime beaucoup, quoi. Des trucs qu'on adore, et il faut le virer parce que c'est la seule chose qui fait que quand on le retire, ça continue de fonctionner. Et donc le truc c'est de faire le deuil de parfois une blague qu'on aime beaucoup ou d'un passage qu'on aime beaucoup. C'est ça le plus difficile, mais c'est ça qu'il faut faire quoi. Et en même temps, c'est jamais vraiment perdu parce que moi c'est ce que j'essaye de me dire aussi, c'est que pareil sur les emmerdeurs sur YouTube Premium, faut s'abonner, c'est un mois gratuit. Bon. Mais ils sont abonnés là, c'est. Et du coup oui, pareil, donc quand il faut faire des choix, quand il faut enlever une blague ou une scène qui plaît beaucoup, on a la chance de continuer de travailler et de faire des choses, donc c'est jamais perdu. Une bonne idée, on se dit bon bah là on peut pas la faire, mais ça reste une bonne idée et on pourra la faire potentiellement ailleurs, ou alors on dit c'est une idée de merde et dans ce cas faut arrêter de la faire. Ok, on va en prendre une toute dernière question, donc elle a intérêt à être super. Oui, vas-y. Alors moi j'ai une question qui rejoint des questions qui ont déjà été posées mais qui m'intéresse. En plus j'ai un métier moi où j'écris beaucoup dans la recherche, donc pas du tout la fiction, et ça rend un peu fou parfois d'écrire. La nuit ou l'obsession ou la page blanche, mais la difficulté à sortir les trucs de. Et moi je me suis déjà fait larguer pour avoir écrit ma thèse par exemple. Par rapport à l'entourage, l'écriture et le métier particulier que c'est, qui est parfois difficile à faire comprendre, non mais t'es en train de rien faire en fait, si ça travaille dans ma tête, je suis sur un canapé en train de zoner, enfin voilà. Est-ce que c'est parfois difficile, enfin, les anecdotes autour de ça, si vous avez des choses à raconter par rapport à l'entourage un peu intime peut-être, mais voilà. Moi ma technique c'est d'être relativement désagréable à vivre au quotidien. Du coup, le moment où j'écris c'est plutôt une pause pour ma compagne, et du coup je me fais pas larguer parce que voilà, c'est Valisette. Je ne sais pas quoi répondre, pardon. Ouais. Non mais par exemple, est-ce que à l'époque où t'écrivais sur les forums sur Emma Watson, quelqu'un t'a dit c'est trop, arrête, ta mère elle disait à table, tu viens d'avoir ton non, bac. Non, j'ai pas de souvenir. En plus j'écris beaucoup à plusieurs, enfin, j'écris beaucoup avec Julien notamment, donc Jocelyn et Julien. J'ai pas l'impression, pardon, cette réponse est nulle. Voilà, non, mais oui. Après, on monte, de toute façon. On monte, c'est demain, donc. Mais j'avais pas prévu ce qu'on peut. Tu vois, peut-être vous avez mon choisi. Mon conseil, c'est sort avec une chercheuse, elle comprendra. Ou un chercheur, pardon, je voulais pas préjuger. Ouais. Mais du coup, la personne comprendra. Oui, c'est ça, en fait. On ne choisit pas qui on aime. Si. Moi, j'ai choisi de t'aimer. Oh. Patrick, la réconciliation de. Non mais parlez. J'ai la chance de vivre avec une personne qui travaille aussi dans le milieu créatif, donc forcément elle est compréhensive quand parfois je suis un peu plongé dans mes trucs. Mais j'imagine que si on travaille dans des domaines totalement différents, il puisse y avoir des petits soucis de compréhension comme ça. Ouais. Et donc j'ai pas de meilleur conseil que ce qu'a dit Bruno. Oui, en même temps je me suis rendu compte que mon conseil marche pas trop, mais il marche avec moi. Mais j'ai connu des couples où c'était complètement. Tu vois, ils faisaient le même métier artistique. Et ils s'engueulaient quand même. Un qui partait en tournée, et l'autre qui disait bon, je vais attendre, et c'est normal, c'est cool, c'est son travail. Et après, quand lui, il partait en tournée, il se faisait embrouiller, genre ouais, tu me calcules pas, t'es parti un mois et demi. Ouais. Ouais, ça dépend des personnes en fait. Hein. Ouais. Il y a pas tellement de recettes. Ouais. Voilà. On t'a bien aidé. Non, mais ça rejoint ce qu'on disait sur le biais du survivant. Hein, tous les gens sont voilà, chaque personne, c'est du cas par cas, voilà. Ouais. Et puis des fois, ça tombe dessus, et puis voilà. Connais pas les fenêtres cas par cas. Bah les amis, merci beaucoup d'être venus. On va se faire un dernier petit tour de table. Mon bon Patrick, prochainement, qu'est-ce qu'on peut avoir droit outre les nanofictions ? Alors, c'était pas prévu de parler de mon livre. Je le fais à ta place. Voilà. Attends, c'était pas Patrick qui parlait ? Non, c'était Adrien qui l'imitait. Ah, tu vois, j'ai choisi de t'aimer pour ça. Donc les nanofictions le 3 octobre. Oui. C'est la semaine prochaine. C'était une blague au début, ceux qu'on citait. C'était pas les vraies nanofictions. Non, je le dis au cas où. Merci. Ah, t'imagines ? Ouais, c'est ça. Ça va être nul. Merde. Tu sous-estimes quand même l'intellect des gens qui écoutent, je pense. Il y a quand même des blagues de bigard dans cette émission, donc c'est des fans aussi. Voilà. Et le nouvel épisode d'Étrange Escale, donc il sort la semaine prochaine, a priori mercredi, je pense. Et voilà pour l'actualité à court terme. Très bien. Brunille, cet été à Montréal, on a fait un truc qui s'appelle Derrière un micro. C'est un spectacle, un plateau d'humoristes composé de 9 humoristes français et québécois. Donc ça s'appelle Derrière un micro, présenté par Kian Kojandi. Et ce sera sur Canal Plus Décalé. Ok. Un premier mois gratuit. Les gens ils disaient, putain, j'espère que ça peut être sur YouTube gratuitement. Et non, c'est bon, tout va bien, c'est sur Canal Plus Décalé. Oui, parce que là, même le premier mois est payant, là. Du coup, c'est trop bien. Non, Canal Plus Décalé, je pense que le premier mois est gratuit aussi. Ah, ok, je sais pas. Mais par contre, t'as un engagement de 30 ans. tu dois te désabonner à la date anniversaire. Ils sont pas cons, les gars. Avec trois lettres recommandées. Valentin Vincent. Ah bah alors j'ai un truc moi qui vient de sortir, je sais pas si j'en ai parlé. non mais si, bah les emmerdeurs, c'était quand même depuis deux ans je tease sur et j'ai fait quelque chose. Je vous invite à voir les emmerdeurs si vous avez envie. On peut le voir sur quel sur YouTube, l'épisode 1 est gratuit et le reste est payant mais le premier mois est gratuit. Ah, YouTube oui. Premium. Et sinon je punk un peu mon tube. Oh, bah oui. Parce que là vous êtes comme si dans un thème, il y a quand même un gars qui punk son tube devant vous. Non avec Julien, Jocelyn, on a un groupe qui s'appelle Kawaii Bukake et on fait une tournée avec PV Nova et Joe Lamouk, donc Gaël Mektoub de Bat et Gaël. Ouais. Et on fait une tournée dans 8 dates dans toute la France à partir de mi-novembre avec des guests, notamment Dedo que je vois là-bas et Shumsky à Rennes. Et McFly Princesse Leia. Et on termine au Bataclan avec McFly et Carlito notamment. Termine au Bataclan, fais gaffe. Le 16 décembre, voilà. C'est dur de rebondir. Peut-être avec McFly qui, si vous le demandez suffisamment nombreux, fera un petit truc sur scène. Oui, une élite. Oui, bon, bah donc Groom, hein, voilà, on en a assez parlé. Groom, la série. Oui. T'es génial dedans en tant que comédien, parce que tu parles tout le temps du fait que tu l'as écrit, mais tu dis, pas, tu dis pas souvent. Et ça, c'est pas. C'est, on sait moins c'est que ça. C'est pas un mensonge. Ah, d'accord. Merci. Et sinon, assez peu de. Non, si, s'il y a des Parisiens ou Parisiennes parmi vous qui n'ont pas pu aller voir Phantom Force ce matin, il est diffusé au Comic Con Paris le 26 octobre. Mais qu'est-ce que le Phantom Force? Phantom Force, Bruno. Merci de poser la question. Mais de rien. Écoute, arrête. non, c'est notre hommage aux séries des années 90. On a voulu créer, j'en ai parlé beaucoup dans le podcast, mais hommage aux séries des années 90. On a créé un épisode de série vraiment comme à l'époque. On n'a pas voulu faire une parodie, mais quelque chose de très premier degré. Et du coup, voilà, ça dure 22 minutes. Et si vous êtes de passage à Paris le 26 octobre, vous pourrez le voir parce que ce sera sur YouTube dans très longtemps, en mai 2019. YouTube gratuit. Voilà, ce sera gratuit. Et ça sera dans longtemps. Je l'ai vu, c'est excellent. Et c'est diffusé où, t'as dit? Au Comic Con Paris. Au Comic Con, ok. Ouais. Très bien. Je croyais qu'il y avait une blague, mais en fait, non. Pardon. Je crois que t'avais une blague. Ah non, je n'avais pas suivi, pardon. Bon, les amis, en tout cas, merci beaucoup. On se quitte en chanson. Passez une très bonne fin de festival. Merci à Frames, d'ailleurs. Je voulais le répéter de nous avoir invités dans ce si bel endroit pour faire de si jolies choses. C'est vrai que c'est stylé. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir choisi de... Parce que je sais qu'il y a toujours 1000 activités et qu'il faut en choisir une. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Ça va, c'était cool. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Ciao, bye. C'est complètement dingue. On continue à me dire que je suis vulgaire. Alors là... Vite, branlette. Partout, dans le cul. En plein dans la chatte, là.